La démonstration de natation synchronisée consacrée à la journée de la brillante étoile, ce thème « Février inoubliable », s'est déroulée le 15 à la piscine du centre complexe de santé Chang'an à Pyongyang. Y ont assisté Oh Soo-yong, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des officiels intéressés, des cadres des ministères, des établissements centraux et des citadins. Y ont été invités également les corps de félicitations des combattants d'outre-mer dont la patrie socialiste à l'occasion du 16 février, notamment les Coréens au Japon, les délégations, les combattants d'outre-mer et le représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, ainsi que les couples des représentants diplomatiques et des institutions internationales, des attachés militaires, des diplomates et autres étrangers en Corée.